Merci pour les conseils de Gérard et de Sandy. On va terminer par le courrier avec Manu et Fildar. Ouais, alors. Donc, on a reçu encore un track. Un track de Millennium Productions. Donc, ça dit tous, tout à 6,69€. Donc, il y a des nouvelles cassettes vidéo. Il y a l'euro qui revient, là. Ouais. Très fort. Ouais. En 2002. En 2002, donc. Donc, il y a des nouveaux titres. Donc, il y a quand GG boit contre X, sa bite se dresse. GG boit Evian et fait dans le vent. T'as besoin de citer les marques, espèce de connard. Ah oui, pardon. GG met de l'eau dans son vin, mais pas dans son Ricard. Non, mais continue, t'es intéressant. Tout à l'heure, tu vas te prendre un téléphone portable sur le coin de ta gueule. Il y a aussi GG se tape tous les infirmiers de la cure. Je sais pas si c'est vrai. Et il y a aussi des objets, quoi, qui sont à 6,69€, je le rappelle à tous ceux qui veulent en acheter. Il y a la photo de Gérard et Paco Rabanne qui nique à bord de la station Mir. Donc, faudrait que tu fasses un démentissement. Hein? Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Je crois qu'il fait la tête. Il fait la gueule. Toi, tu ferais mieux de fermer ta gueule parce que tes conneries, ça, à mon avis, ça vient de chez vous, ça vient pas de c'est pas envoyé tout moi, ça. J'ai envoyé le courrier. Ce n'est pas envoyé, il n'y a aucune enveloppe qui fait preuve. Oh putain. Vous n'avez aucune preuve comme quoi que le courrier est bien non, arrivé. C'est rare. Moi, quand je lis mon courrier le soir, je décachète pas en direct, j'enlève l'enveloppe, je regarde dans la journée. Ouais, ensuite, mais pour des trucs comme ça, je l'ai vu. Maintenant, je l'ai donné l'autre fois. Non. Pas particulièrement, mais attends, je pense c'est du courrier anonyme, hein. Les mecs, ils viennent à la radio, ils la déposent devant, c'est les mecs de Paris qui font ça. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je vais te dire une chose, je redis encore ce soir, si ça continue, si j'en reçois le 12... C'est la dernière, parce que de toute façon, tu vois ce que je vais dire après. Le 12, moi, ça va être miette pour le 12. Hein. Non, le 12, il y aura bien le débat sur les catastrophes, on en reparlera juste après. Alors, attends, écoute bien, GG, il y a encore des trucs très intéressants. Il y a la plaque d'immatriculation de GG que tu avais dans la jambe, 69Q92. Non, c'est même pas ça. Il y a aussi la bande téléphonique où Gérard explique à Henri qui lui offre sa femme. Donc je sais pas. Là Manu, il y a oh putain le portable. Putain. C'est con Manu hein. Putain. Non mais ça va à l'avocat direct. Non mais ça va à l'avocat. Alors ça je vais te dire. Qu'est-ce que c'était, fais voir. Alors ça mon pote, c'est une connerie ça. C'était quoi encore? Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Vas-y. Attends, il va regarder avec le papier. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un truc. Parce que Manu, t'es prié de laisser tout ce qui est marqué le nom de l'effacer. D'accord. Non mais t'es gentil, c'était le nom de Devant le micro de ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je dise le nom de famille de ta femme que j'ai effacé? Ils l'ont fait exprès. Bah alors, justement, ils ont voulu rester dans l'anonymat, ils ont pas voulu donner les noms de famille de Sandy et de toi, Gérard. Bon, moi j'ai un autre truc, mais j'ai pas de nom de famille, rien du tout. C'est en fait un auditeur qui t'écoute depuis longtemps et qui a fait ton CV en fait. Comme ça, au moins, si un jour tu cherches du boulot, en fait, il a tout répertorié sur deux fois. C'est pas pour demain, mais bon, on sait jamais. Ouais, mais bon, alors donc, je vais dire donc ton CV. Gérard dit boîte de Nanterre. Chemin des favelas, 17e roulotte sur la gauche, 92 000 Nanterre, téléphone personnel néant parce que t'en as pas, téléphone bureau néant parce que t'es chômeur, téléphone portable néant, pas de portable, et ton email, moi tu le connais, donc il a donc testeur de coton-tige, course en e-sport catégorie nijambiste, rameneur de moustachus, se fait polir la cajou, se croûter tout seul au milieu de l'autoroute, donc c'est en fait tout ce que tu sais faire. L'expérience professionnelle, depuis octobre 83, t'es encore en activité dans la chitanerie en folie. Dans taille, très grande famille, activité maquillage de voiture, recel, attentat, fonction responsable européen du trafic de motocrottes, nettoyer la demeure, déraper sur les défections, renouer avec mes origines, j'ai pu ressentir des sensations oubliées depuis mon accident. Reconduire, c'est grave de chez grave. Depuis le 3 avril 2000 au 12 juin 2000, Ensemble contre le verglas, donc une association. La taille de l'association, en fait, il y a que toi et Sandy. Activité récolte des fonds pour me racheter une jambe. Fonction président et responsable des Hauts-de-Seine, trésorier, président, organisateur, interlocuteur, agent de surface, entretien ménager. Mais t'as pas été président, secrétaire général, si? Ben l'association, Gérard? Non. Ah, ça non. Je me sens mieux. Mais par contre. Une réaction, je termine, merci. Hein, pour l'instant, tu vas fermer ta gueule, d'accord? Parce que c'est moi qui vais l'ouvrir, ma gueule. Par contre, il y a un truc que j'avais pas vu. Mais là, celui qui s'amusait à mettre ça. Quoi, en disant, pédophile, avec le nom de ma fille, ça va chier. Non, je le garde. Ah non, mais moi je vais faire. On fera des photocopies après, c'est tout, mais je le garde. C'est clair. Bon, fini. 22 avril, 12 juin 2000, deux jambes pour tous. Donc offrir une nouvelle prothèse à GG, tailler, affûter, aplanir, puis tester les prothèses. Une de mes plus belles pièces, une prothèse en bambou d'Indonésie décorée de motifs philippins. Donc la formation sur N Transport, donc sur N High Tech, diplômé du cul en étoile, mention très bien. Sainte-Marie-de-la-Mer, gitanerie, membre des Bohémiens voyageurs. Alors les langues parlées, le philippin lu écrit et parlé, et le gitan parlé. Et en divers, amoureux d'un morceau de l'art ambulant, président de l'association Ensemble contre le verglas, et voilà. Non, bah alors ça, je vais te dire, pareil, document. Donne. Ouais, bah mais c'est son CV, c'est pour... travailler. T'as un autre truc, Gégé, qui est un truc dont il faut parler. Non, non, mais ça... Non, mais je vais pas le lire, hein, c'est Sandy, t'as qu'à le lire, toi. Non, mais tu lis pas tout, parce que ça... Il y a certains mots que je vais pas lire. Hein. Vas-y. Alors, ça s'appelle Tourisme. Cher ami Globetrotter, l'agence de voyage Gina Jameson, Tour a le plaisir de vous annoncer l'ouverture du premier circuit touristique consacré à Gérard, le fils de sa tante la grosse. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Divisé en deux parties, une à Suresnes et l'autre à Nanterre, ce magnifique parcours vous montrera les divers lieux de débouche et de défonce de l'homme à l'anus chromé. Désolé Gégé. Pour les amoureux de pèlerinage et des retours aux sources, le circuit surénois semble le plus indiqué. Celui-ci vous propose entre autres une visite guidée de la fameuse cité Carnot et de ses nombreux bars à putes transsexuelles. Et pour les aventures de l'extrême, le parcours de Nanterre s'annonce des plus palpitants. Vous commencerez par vous faire agresser en prenant la ligne de bus que je ne citerai pas, plus connue sous le nom de la ligne du bâtard. Bus qui vous déposera devant le foyer Intel. Une allée, ça je ne le dis pas non plus. Non, tu gardes bien dans l'anonymat. Voilà. Ou bien entendu, vous retrouverez Gégé et son molos qui se feront un plaisir de vous dépouiller avant de vous faire les fesses. Alors c'est signé Gina Jameson, syndicaliste marquiste de droite, ouais d'accord, militant pour la réinsertion des pitbulls dans les crèches et garderies des gamins de cité. Ok, bah je sais pas, j'ai juste ce que t'en penses. Hein. Non mais moi de toute manière ça va aller vite, tout ça, moi ça commence à me casser les couilles sérieusement. Mais attendez, j'ai quand même zappé les noms. Hein. Ça commence à me plaire parce que c'est tout... toutes les semaines, c'est comme ça, c'est tous les non, cas, non, tous non, les, non, ça non, va être toutes les trois semaines. Toutes les 15 jours. Non, toutes les trois semaines. Donc, je le garde, t'inquiète pas, ça va être mis dans un coffre. Quand je demande de pas lire des conneries, vous êtes prié d'écouter ce que je vous dis, parce que ça commence à m'énerver, d'accord? Alors, les auditeurs, maintenant, c'est plus la peine d'envoyer une seule saloperie, parce que ça ne sera ni lu sur l'antenne. Et si ça continue, avant la fin de l'année, donc j'arrêterai tout, comme ça vous vous démerderez. Voilà, alors je tenais à dire également, puisque Gérard passe son coup de gueule, et je profite de sa présence dans les studios avant de se quitter, que grâce quand même à Anka, à Fildar et à Manu, il faut quand même leur dire à tous les trois, trois sites internet à ton nom ont été rayés de la carte, ils ont été détruits parce qu'ils ont mis des virus dessus. Et grâce à Gérard, grâce à Fildar, Manu et Anka, on peut les applaudir. Ils ont réussi quand même parce que c'est grâce à eux. Il y en a d'autres, Il paraît qu'il y en a d'autres. Oui, mais vous êtes sur le qui vive. On est sur la défensive, ouais. Sur sous-marin, moi. Non, mais c'est quand même grâce à eux. Il fallait le signaler. Gérard, le jeudi 12 octobre, grand rendez-vous avec, je l'espère, un record encore une fois de plus battu d'audience sur Internet. Car en ce moment, on peut le dire, Gérard, à chaque fois qu'il vient, il bat tous les records. Il y avait combien, Anka, sur Internet tout à l'heure? Plus de 10 000, hein, comme d'habitude. On passe toujours les 10 000. Non, attends, l'Internet n'était pas allumé depuis que je suis arrivé. Mais tout à l'heure, elle a fait un point vite fait. Voilà. Donc, si vous allez sur le star-system.org, le seul et unique officiel site du Star System, vous y retrouverez pas mal de choses, les soirées, par exemple les débats de Gérard. Alors là, je les lis. Là, c'est dépassé. Il faudra peut-être l'enlever le 21 septembre. C'est déjà passé. Mais le 12 octobre, donc jeudi 12 octobre, prochain débat sur les catastrophes. C'est-à-dire les catastrophes, c'est pas du tout les catastrophes genre volcan, tout ça, non. Non. Ça, on va toucher un peu quand même plus profond le domaine de l'actualité là. Donc, pas sérieux, s'abstenir. Au standard. Et un conseil que je donne en même temps, tant qu'on y est... C'est quoi, par exemple, c'est par rapport... Concorde, puis là, le car ferry qui vient de... Qui vient de couler parce que Pas sérieux, s'abstenir. Et t'es vraiment un PD pas fini, toi. Il y a le course aussi, GG. Il y a plein de trucs. Hein. Ouais, mais ça, on verra ça au fil. Il y a une liste, hein. Il y a Jolo, il y a. Alors la ensuite. Non, non, mais ça, on fait les catastrophes, on fera pas les prises d'otages, c'est tout. Oh non, bah merde. Non, non, parce que déjà, je vais te commencer à. Catastrophe. Déjà, je vais vous commencer à vous mettre les points sur les îles, les barres sur les T, là, au standard. Faut du sérieux, là. Là, je vous préviens, vous allez me prendre les auditeurs au standard, pas faire comme vous avez fait durant les derniers débats. Et du sérieux, là. Retirer les auditeurs et les remettre sous des autres noms. Parce que ça, c'est imposable. D'accord, Manu? D'accord. Et Anka, je te signale. Je pense que c'est possible. Je te signale que là, je t'ai déjà prévenu, alors je te préviens encore. Je te laisse une heure, même pas. Je te laisse une demi-heure le 12. Si en une demi-heure, tu n'as rien trouvé, tu verras des studios comme l'autre fois. Voilà. Et c'est tout. Ça, c'était pas mal. Ouais, ben. Donc, je disais... Le 12, le débat sur les catastrophes, hein, donc on touchera pas mal de sujets délicats, donc n'est pas sérieux s'abstenir. Le 2 novembre, l'affaire Les Didi, au grand jour. pareil, hein, pas sérieux. Pareil, non, mais... pareil que t'es invité Dodi Alfayette, on parle. Et la reine d'Angleterre. Ah non, les sosies. Bon, notez-le également si vous n'avez pas d'internet, mais vous aurez l'occasion d'y retourner dessus. Le 23 novembre, c'est le débat sur le chômage. Et le 14 décembre, et peut-être que Bibi viendra donner un petit coup de main, un débat sur les nourrices. Donc, il faudra trouver d'autres thèmes de débat. Je rappelle le site internet star-systemesans-eux.org. Déjà, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais de toute manière, c'était pas prévu les nourrices, c'était prévu le babysitting. Oui, mais enfin, nourrice, c'est babysitting, pareil, hein. Tout ce qui touche, c'est pareil. Voilà. Voilà. Lance pas le portable. Lance pas le portable, Gérard. Voilà. Fais gaffe à toi, Fildar. Voilà, exactement.